jalouse. Les moments d'amour les plus doux sont les moments d'amour fou qui nous rendent un peu jaloux. Je m'en fous, je sors.